Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude du chapitre 4 de 2 Corinthiens. Notre bon Père du ciel, on se tourne vers toi et en étudiant ce chapitre 4, mon cœur est dans l'adoration, dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'émerveillement de ce que tu as fait par Christ, par ton esprit en moi, afin que je devienne ton serviteur, ton ministre, ton esclave, ton serviteur et ta servante. Ô notre Dieu, ces vérités me pousse à me réjouir en toi. Continue à nous instruire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul nous a parlé dans le chapitre 3 de la nouvelle alliance qui était supérieure. Cette nouvelle alliance qui nous a amenés avoir la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance qui nous a enlevé le voile pour qu'on puisse contempler Christ Dieu. Cette nouvelle alliance qui a le pouvoir de nous changer en l'image de Dieu. Fais pas de nous des dieux, mais on devient le reflet, un miroir, une peinture des attributs de Dieu qui se manifestent dans notre vie. On a vu à partir du chapitre 4 que l'apôtre Paul a dit « Je perds pas courage, j'ai une grande liberté, j'ai une grande assurance dans le ministère qui m'a été confié parce que il explique pourquoi. Et les raisons, c'est pas lui le courage. C'est qu'il y a du courage, puis il y a de l'assurance, puis de la liberté, à cause que le ministère qu'il fait vient de Dieu. Lui, il est rien. Lui, il est un vase de terre. Il est rien. Le miroir ne se soucie pas. Il n'est pas soucieux. Parce que le miroir sert à refléter quelque chose. Il ne se reflète pas lui-même, le miroir. Mais je regarde Dieu. Et automatiquement, ça se reflète, la gloire de Dieu, autour de moi. Ce n'est pas quelque chose que je produis, c'est quelque chose qui produit en moi. Parce que je le contemple. Parce que son esprit est en moi. L'apôtre Paul, il dit, à cause de cela, on se rend recommandable envers vous. Non pas par notre conduite, mais parce que nous prêchons la vérité sans l'altérer, sans la changer, sans la falsifier. Nous prêchons l'évangile que Christ nous a transmis, nous a donné. Et nous allons continuer en lisant à partir du verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Vous savez, il y a une chose qui est typique dans tous les mouvements religieux depuis 2000 ans. Dans tous les mouvements religieux, on enseigne que Dieu va nous aider à avoir une meilleure vie ici-bas. Dieu va nous protéger, va nous garder. Depuis tous les temps, les religions, on les voit avec leurs médailles, leurs scapulaires, leurs crucifix, leurs idoles en plastique ou en bois. On les met sur les dashes de char, on les mettait sur les chariots de guerre dans le temps des Romains. On les exposait dans les maisons, dans les musées, dans les églises, afin de protéger les bâtiments. Comme on dit encore aujourd'hui que Dieu sauve l'Amérique, que Dieu sauve la reine. On a pensé que Dieu était pour nous délivrer de nous faire gagner nos guerres, nous donner des victoires contre la maladie, contre les combats et tout cela. Et je crois que c'était un peu la même chose ici avec les faux docteurs. Paul va y revenir au chapitre, je pense, 10, 11, 12. Il va en parler plus de ça. Que pourquoi est-ce que les chrétiens qui sont serviteurs de Dieu souffriraient, puis ça dans les prisons, puis ça malmenés, puis ça persécutés, puis seraient rejetés? Et on croit que si on est des bons chrétiens, si on enseigne la vérité, puis qu'on croit la vérité, ça va bien aller. Ça va bien aller dans nos couples, dans nos familles, nos enfants vont être soumis, nos femmes et nos hommes vont s'aimer, et la vie va être belle. C'est pas ça que je vois dans les Écritures. Quand je lis les Actes des Apôtres, c'est pas ça que je vois dans la première génération de chrétiens. Et Paul dit ici au verset 8, « Pressé de toute manière, mais on n'est pas réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. On est persécuté, mais non pas abandonné. Mais non perdu. Abattu, mais non perdu. » Paul est dit, à travers toutes les difficultés qui nous entourent, on n'est pas réduit à l'extrémité ou, je dirais, au découragement. On n'est pas réduit à la détresse. On n'est pas dans le désespoir. On n'est pas abandonné. On n'est pas perdu. Oui, oui, ça nous arrive tout cela. Mais on ne perd pas courage. On use quand même d'une grande assurance. Et nous avons une grande liberté. Et il dit, au verset 10, « Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Cette même vérité qui revient qu'on avait vue au chapitre 3, si ce n'est pas au chapitre 2, je ne me souviens plus là. Si les souffrances de Christ abondent en vous, la consolation va abonder en vous. Et si nous sommes consolés, c'est pour vous qu'ayez se consoler. Il dit, si la mort de Christ que nous portons dans notre corps, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, nous acceptons, nous supportons, nous désespérons pas, nous ne nous sentons pas abandonnés, on n'est pas réduit à l'extrémité, on n'est pas perdu dans tous ces moments de difficulté de la vie, parce que nous savons, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. On sait que ça va permettre que la vie de Christ se manifeste aussi en nous. La mort de Christ se manifeste en nous comme la vie de Christ se manifeste en nous. On ne peut pas avoir un sans avoir l'autre. Nous, on aimerait éviter un puis avoir l'autre. On aimerait avoir une belle petite vie, tranquille, potable, que tout va bien, et manifester la bonté de Dieu. Hein? Combien de fois dans nos réunions de prière, on remercie Dieu. Oh, merci que j'ai pas eu d'accident. Oh, merci que j'ai pas été plus malade. Oh, merci que Dieu m'a guéri. Oh, merci que Dieu m'a protégé d'un accident. Oh, ça aurait pu être bien pire. Oh, merci Seigneur m'a guéri d'un miracle, d'un cancer. Mais il dit non, non, non, non. Nous portons ce trésor dans un vase de terre. Et pendant qu'on est ici, nous portons, il dit, nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Christ. Afin que la puissance de Dieu se manifeste, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, il répète ici presque la même chose, car nous qui vivons, qui avons la vie de Jésus en nous, parce que là, il dit nous qui vivons, et se compare à ceux qui ne vivent pas. Il ne parle pas de ceux qui sont morts dans la physiquement ici. Mais il dit que nous qui vivons, nous qui avons la vie de Jésus en nous, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Il dit au verset 12, « Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Donc nous, on est malmenés, persécutés, on est rejetés, on est poussés de tous les côtés, comme il a dit au verset 8 et 9. Mais ça, le fait qu'on l'a accepté, qu'on n'a pas été découragé, qu'on n'a pas désespéré, qu'on n'a pas, on n'est pas senti abandonné ou rejeté par Dieu, nous avons proclamé la vérité de Dieu, la vérité de Christ, et la vie a agi en vous. Donc l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire ici, nous acceptons la vie que Dieu veut pour nous, et à travers toute cette vie-là que nous avons, nous continuons à proclamer la vérité, nous la falsifions pas, nous la changeons pas, nous l'altérons pas, nous continuons à proclamer la vérité telle que nous l'avons reçue de Jésus-Christ, et à cause de cela, ça vous a amené, vous, à la vie. Et la chaîne va continuer. À votre tour, vous allez être malmené à cause de Christ. Mais la vie va n'atteindre d'autres. Donc, il dit, il y a toujours cette dualité en nous. La mort de Christ est là, elle vit en nous. Mais la vie de Christ aussi. Donc, à cause de ce que je vis, et que je continue à prêcher l'évangile de Jésus-Christ à travers cela, qui est la vie de Christ en moi, il y a des gens qui voient la gloire de Dieu, qui voient la gloire de Christ, et qui viennent à la vie. Nous n'essayons pas, par l'évangile, de nous soustraire aux difficultés de la vie, aux difficultés qui pourraient venir même à cause de Jésus-Christ. Tout ce qui arrive de noir, de mort, de péché, de difficultés, de souffrances vient à cause du péché. Et vient aussi à cause du fait qu'on est en Christ. Nous l'acceptons. Nous blâmons pas Dieu. Nous sommes pas désespérés à cause que la vie d'ici-bas serait triste, sa difficulté serait maladie, serait prison, serait à cause de Christ, persécution. Nous acceptons cela. Nous changeons rien et on continue à être le reflet de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu. Et ceci permet à d'autres de venir à la vie et à leur tour d'être l'image de la gloire de Dieu et que d'autres vont être sauvés aussi. Donc, c'est toujours le même cercle. J'ai contemplé la gloire de Dieu en quelqu'un d'autre qui me prêchait la vérité en Jésus-Christ. Elle m'a transformé par la puissance du Saint-Esprit et je suis devenu à mon tour un reflet de l'image de la gloire de Dieu. Il dit au verset 14, verset 13, « Comme nous avons le même esprit de foi qu'exprimé dans cette parole de l'Écriture, si nous avons cru, nous avons parlé, nous aussi on a cru, donc nous aussi nous parlons. » Et même si on goûterait la mort physique, et qu'on mourrait pour Christ. Au verset 14, il dit, nous avons la conviction profonde que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts va aussi nous ressusciter et nous fera paraître avec vous en sa présence. Nous avons la conviction profonde, dit Paul, que même si la mort nous atteint physiquement, un jour nous serons ressuscités avec vous, vous qui avez contemplé la gloire de Dieu en nous, par la prédication de l'Évangile. Donc il dit, à cause que nous croyons cela, à cause que nous croyons qu'il y a une résurrection qui s'en vient, et qu'on va être dans la présence de Dieu, nous continuons à prêcher l'Évangile. Nous continuons d'être un reflet de la gloire de Dieu. Nous continuons d'être l'image de la gloire de Dieu. Nous altérons rien. Nous changeons rien. Ceci nous donne courage, assurance, liberté. Parce que nous comprenons bien qu'est-ce qui se passe. L'Évangile n'est pas là pour m'amener santé et prospérité ici-bas. Elle n'est pas là pour amener que je m'entende bien avec mon mari, ou avec ma femme, ou avec mes enfants. C'est pas ça le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est que la gloire de Dieu, qui est amené par la prédication des attributs de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'Évangile de Dieu, de l'Évangile de Christ, parce que vous vous souvenez, Christ c'est la gloire de Dieu. Christ c'est l'image de la gloire de Dieu. Donc, quand je la reçois puis que je la crois, je suis transformé et d'autres gens voient la gloire de Dieu. L'Évangile c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Christ. Je crois personnellement que la vraie évangile, proclamée sans être altérée, m'amène à me soucier de la gloire de Dieu et de rien d'autre. L'évangile m'amène à me soucier de la gloire de Dieu et de rien d'autre. Je me convertis au Seigneur parce que je suis soucieux de sa gloire. Je veux aller vers lui et le prendre comme mon Dieu, le prendre comme mon Seigneur, le prendre comme mon maître. Et je veux être son serviteur, je veux être sa servante, je veux être son esclave et le servir ici et pour l'éternité. Et Christ me transforme, l'Esprit du Seigneur me transforme en son image. Et je me mets à le servir. Servir, ça veut dire quoi? Je reflète sa gloire. Je reflète sa gloire. Père du ciel. C'est des grandes vérités. On est conscient que ce n'est pas toujours facile à tout saisir. Mais on est confiant dans ton Esprit Saint. On est confiant dans la vérité pour nous aider à comprendre le grand miracle de l'Évangile. Peu importe ce qui arrive dans notre corps, si on est des enfants de Dieu, d'autres vont voir la vie. D'autres vont voir la gloire de Dieu. Et la résurrection nous attend afin d'être avec tous les autres frères et sœurs, avec notre corps glorifié dans les nouveaux et nouvelles terres, dans la présence du Seigneur Jésus et de notre Dieu.